Les 8 et 9 courants, l'agence de presse Rustas, les homepages d'internet du Comité national nigérian d'études du kimilsunisme et kimjongisme, du Comité national d'études des études justices du Congo démocratique et du Forum allemand anti-impérialiste ont reproduit que le maréchal Kim Jong-un a envoyé une lettre historique aux participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée pour un rôle redynamisé de l'Union des travailleurs agricoles dans l'œuvre socialiste Tutsi.